Chapitre 5. Après avoir manqué la comtesse de Lugos à la sortie du café des ambassadeurs, Alfred de Fresnay avait faim d'en prendre son parti. Mais au fond, il n'était pas content. Cette énigmatique personne réalisait précisément le type qu'il cherchait, et il aurait voulu brusquer l'aventure, car il n'aimait pas les amourettes qui traînent en longueur. Il s'en alla donc, assez vexé d'être obligé d'attendre au lendemain pour revoir la belle aux cheveux d'or, et lorsqu'il était de mauvaise humeur, il cherchait volontiers des distractions sur le choix desquelles il ne se montrait pas difficile. Ainsi essaya-t-il d'abord d'entraîner son ami Gémozac au café américain, où les visiteurs de sa trempe trouvent toujours à passer quelques heures en joyeuse compagnie. Ce restaurant de nuit est plein de demoiselles qui y viennent pour souper, sans savoir avec qui elles souperont. Mais Julien était blasé sur les plaisirs qu'on y prend, et ce soir-là, il tenait moins que jamais à régaler des drôlesses inconnues. Et comme, d'autre part, il n'avait pas envie d'aller se coucher, il déclara qu'il voulait retourner au cercle, où la grosse partie de baccarat devait être en pleine activité. Il était agacé, surexcité, préoccupé, et pour les amoureux inquiets, le jeu est un calmant souverain. Fresnay ne se fit pas trop prier pour l'accompagner. Il se réservait du reste d'aller finir sa nuit ailleurs si la fortune continuait à lui sourire. Et comme il se sentait en pleine veine, il comptait gagner, avant le lever de l'aurore, quelques centaines de louis qui arriveraient fort à propos, car il prévoyait que la conquête de la noble hongroise lui coûterait fort cher. Il l'avait classée, à première vue, parmi les mondaines dévoyées, les demi-castors. Et il savait que les femmes de cette catégorie intermédiaire sont beaucoup plus exigeantes que les horizontales de profession. Julien, qui n'avait pas de siège à entreprendre, n'avait pas besoin d'argent. Il ne cherchait que des émotions, et pour s'en procurer de plus vives, il n'aurait pas été fâché de perdre. Il leur arriva ce qui arrive toujours en pareil cas, le contraire de ce que souhaitait chacun d'eux. Julien tomba sur une série superbe et remplit ses poches, pendant que le présomptueux Alfred, qui jouait sur l'autre tableau, vidait les siennes. Vers 2 heures du matin, il se trouva complètement à sec, et comme il ne se souciait pas de s'endetter à la caisse du cercle, il emprunta 10 louis à Gémozac, qui continuait à gagner, et il s'en alla tranquillement souper chez Peters pour se consoler. Rien ne creuse l'estomac comme la perte, et il apportait au restaurant un appétit d'enfer, sans compter une ferme volonté de faire connaissance avec toutes les créatures qui lui paraîtraient amusantes. En fait de femme, il n'eut que l'embarras du choix. La grande salle était pleine et le personnel déshabitué au grand complet. Celle-là, à vrai dire, ne le tentait pas beaucoup. Il les connaissait trop et il savait à quoi s'en tenir sur leur esprit, fait de vieilles plaisanteries qui ont traîné dans les journaux et de mots plus ou moins drôles attrapés au vol dans les cabarets pseudo-Moyen-Âge où fréquentent les rapins et les reporters. Fresnay aurait voulu du neuf et il n'apercevait que des farceuses absolument incapables de le divertir. Il resta donc planté au milieu du salon, cherchant un voisinage à sa convenance, et passant de loin la revue des soupeuses, qui ne se faisait pas faute de lui adresser d'engageantes œillades. Il n'y avait là que des seigneurs sans importance, qui ne gênaient pas ces dames, et l'entrée d'un homme sérieux avait fait sensation. Il finit par aviser dans un coin une fille qu'il n'avait jamais vue là, et qui ne ressemblait pas aux autres. Elle était seule à une table, et elle soupait modestement d'une tranche de jambon d'York, qu'elle arrosait avec une demi-bouteille de médoc ordinaire, mais on devinait sans peine qu'elle aurait préféré des truffes, des primeurs et du vin de champagne frappé. Il y avait justement une place libre à côté d'elle, et Fresnay s'empressa de l'occuper. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ce n'était pas que la donzelle fût très jolie, ni vêtue avec beaucoup de goût, mais elle avait un teint de bohémienne et une toilette à l'avenant, et il n'en fallait pas plus pour exciter la curiosité d'un blasé en quête d'aventures bizarres. Après la comtesse Rousse, cette espèce de mulâtresse bistrée, cuivrée et attifée à la diable, se présentait tout à point pour compléter la journée d'Alfred. Il ne prit pas de détour pour entamer la conversation. « Ce n'est pas bon ce que vous mangez, » dit-il en regardant le jambon. « Et ce que vous buvez ne doit pas être meilleur. »« C'est possible, mais ça ne vous regarde pas. répliqua la dame. Est-ce que vous vous êtes mis là pour débiner mon souper ? Non, bel ange brun, pour vous en offrir un meilleur. Alors vous pouvez rester. À condition que vous le commanderez. Ça me va. Un poulet sauté, une salade de légumes, des fraises et du vieux Bourgogne. Le champagne me fait mal. Freinet appela le garçon et répéta la commande. Il s'aperçut à ce moment que les autres femmes le regardaient en ricanant. Évidemment, elles n'approuvaient pas le choix qu'il venait de faire, et surtout, elles en crevaient de jalousie. Sur quoi, il prit la résolution de se moquer d'elles, et il se mit à traiter son invité avec toutes les apparences d'un profond respect. « Pardon, chère madame, d'en user avec vous si familièrement. » dit-il du même ton que s'il avait parlé à une femme du meilleur monde. « Vous devez me trouver bien indiscret. »« Non, je vous trouve drôle, » répondit la brune sans le moindre embarras. « Et j'aime les messieurs sans façon. Seulement, vous savez, si vous croyez que vous me reconduirez après le souper, vous vous abusez, mon cher. »« Oh, madame, vous me prêtez là une arrière-pensée que je n'ai pas, je le jure. »« Tant mieux, vous seriez volé, mon garçon. Je ne suis pas comme toutes ces mijaurées qui me regardent comme une bête curieuse et qui viennent ici chercher des hommes. » « C'est sans doute la première fois que vous y mettez les pieds. »« Oui, et la dernière aussi. Je suis arrivée à Paris ce soir et j'avais faim, alors je suis montée ici comme je serais montée ailleurs. Mais demain, ce sera fini de rire. On se mettra au travail et on gagnera sa vie honnêtement. »« À quoi ?» demanda Freinet d'un air innocent. « Vous êtes bien curieux. »« Non, je m'intéresse à vous, voilà tout. Alors vous exercez une profession lucrative. »« Je suis somnambule, » répondit la dame en se rengorgeant. « Somnambule ?» répéta Freinet. « Mais ce n'est pas un métier, c'est une maladie. Alors vous vous promenez en dormant, les yeux ouverts ? Est-ce que par hasard, cette nuit, vous seriez... »« Non, mon petit !» dit la dame en riant. « Je ne dors pas. Je suis même parfaitement éveillée. Il faut que vous sortiez de votre village pour ignorer qu'une femme peut gagner sa vie quand elle a le sommeil extra-lucide. »« Ah bon, je comprends. Vous dites la bonne aventure. » Quand on me le demande, je tire les cartes et je lis dans le marc de café. Mais ma spécialité, c'est de prédire l'avenir, de deviner le passé, de retrouver les objets perdus. Tout ce qui concerne votre état, alors? Oui, et je n'en ai pas encore rencontré une qui me dégote. Comme ça se trouve. J'ai toujours eu envie de savoir comment je finirais. Et si vous pouviez me l'apprendre? C'est pas difficile. Vous finirez dans la peau d'un mauvais sujet. « Mais je ne donne pas de consultation au restaurant. »« Alors, donnez-moi votre adresse. »« Peu pas. Faut d'abord que je m'installe. Et ce n'est pas commode de trouver un bon local. »« Vous logez bien quelque part en attendant. »« Il est sûr et certain que je ne coucherai pas à la Belle Étoile. Mais vous n'avez pas besoin de savoir où. »« C'est égal. Voilà un petit Bourgogne qui se laisse boire. » dit incidemment la soupeuse. « C'est du Musigny. Dites-moi au moins votre nom. »« Je m'appelle Olga. » « Olga, c'est gentil. Mais Olga quoi ?»« Olga tout court. Faut-il pas que je vous montre mes papiers de famille, mon extrait de naissance et mon acte de mariage ?»« Vous êtes donc mariée ?»« Qu'est-ce que ça vous fait ?»« Le poulet sauté est tendre, mais il n'y a pas assez de truffes. Vous n'en mangez pas ?»« Non, je n'aime pas les viandes blanches. »« Ni les femmes noires, hein ?»« Au contraire, je les adore, les femmes noires. » « Oh, vous n'espérez pas me faire croire que vous êtes amoureux de moi. Je vous avertis que je ne la goberai pas, celle-là. »« Permettez, vous n'êtes pas noire. On vous adorait avec un rayon de soleil, tout simplement. »« Des fadeurs. Avec moi, ça ne prend pas. Mais dites donc, vous devez être riche, vous. »« Je ne connais pas ma fortune. Seulement, ce soir, je n'ai pas le sou. »« Vous avez toujours bien de quoi payer le souper, » dit vivement Olga. « Ça ne m'amuserait pas de rester en plan. » « Pour qui me prenez-vous ? J'ai en poche plus d'argent qu'il n'en faudra pour régler la note. D'ailleurs, je suis connu dans cet établissement, et on me ferait crédit si je voulais. » Olga se remit à souper, mais elle y allait de moins bon cœur, et on voyait bien qu'elle craignait d'être tombée sur un farceur qui la planterait là avec la carte à payer. Et cette carte s'annonçait comme ne devant pas être mince, car justement le garçon, qui connaissait les goûts du baron de Freinet, mettait sur la table la moitié d'un homard, une énorme tranche de pâté de foie gras et une bouteille de Roederer, carte blanche. Le dit baron, tout en attaquant avec entrain ce menu plantureux, observait du coin de l'œil son invité qui commençait à l'amuser beaucoup. Il ne s'étonnait pas qu'elle fût devineresse de son état, car elle avait le physique de l'emploi et, certes, en jugée par sa conversation bigarrée, elle n'était pas sorcière à demi. Il songeait déjà au parti qu'il pourrait tirer d'une si agréable connaissance, et il se disait que Madame de Lugos, par exemple, trouverait charmant d'aller avec lui consulter une somnambule à laquelle il se réservait de faire préalablement la leçon en lui graissant la patte. Quant à obtenir des faveurs plus intimes, c'était le moindre de ses soucis. Elle lui plaisait beaucoup moins comme femme que comme diseuse de bonne aventure, et il ne comptait pas insister pour la retenir après le souper. Encore fallait-il, cependant, se ménager la possibilité de la revoir, et il prit immédiatement ses précautions. « J'y pense, » dit-il tout à coup. « Vous ne pouvez pas me donner votre adresse, ou vous ne voulez pas, mais rien ne m'empêche de vous donner la mienne. »« Allez-y, » répondit Olga en vidant son verre, rubis sur l'ongle. « Ça ne m'engage à rien. » Alfred tira de son carnet de poche une carte de visite et la posa sur la nappe, devant sa voisine qui s'écria, après y avoir jeté les yeux, « Tiens, vous êtes baron, c'est très chic. J'aime les gens comme il faut, moi, et je me flatte que je leur plais. Tel que vous me voyez, mon cher, j'ai souvent fait le grand jeu à des comtesses et à des marquises. » « Je vous en amènerai une quand vous voudrez, et vous pourrez lui prendre très cher. C'est moi qui payerai. Gardez ma carte, et écrivez-moi dès que vous serez prête à nous recevoir. »« C'est ça, et je vous promets que je ne lui dirai pas de mal de vous, mon cher. Ah, vous avez du vice, et moi qui vous prenais d'abord pour un jobard ?»« Merci, princesse. »« Oh, ne vous fâchez pas, on peut se tromper, et puis après tout, c'est un compliment que je vous fais. » « Je suis contente de vous avoir rencontré. En arrivant, je m'attendais à être embêtée par des imbéciles ou par les grues qui viennent chercher leur nourriture ici, et je suis tombée sur un bon garçon. »« Alors, je vous reverrai ?»« Oui, seulement j'espère bien que vous ne direz à personne que vous m'avez offert à souper cette nuit. Ça me ferait du tort dans mon commerce. »« À qui diable voulez-vous que je le dise ?»« Mais à la dame que vous comptez me présenter pour que je lui tire les cartes. Si elle savait que j'ai soupé au café américain, elle ne prendrait pas mes prédictions au sérieux. »« Soyez tranquille, je serai muet comme la tombe. Maintenant, contez-moi donc un peu votre histoire. Vous n'avez pas toujours été somnambule ?»« Non, j'ai fortement couru le monde. »« Mais vous avez déjà travaillé à Paris. »« Comme ailleurs. Malheureusement, je n'ai pas encore fait fortune. Pierre qui roule n'amasse pas de mousse. »« Ça viendra, je vous aiderai. En attendant, puisque vous n'aimez pas le vin de champagne, que diriez-vous d'une seconde bouteille de Musigny ? La première est à sec. » Vous voulez me griser ? N'essayez pas. Le souper vous coûterait trop cher. Dites-moi plutôt l'heure qu'il est. 4 heures bientôt, répondit Freinet après avoir consulté sa montre. 4 heures ? S'écria la sorcière. Sapristi ! Je n'arriverai jamais à temps. En même temps, Olga jetait sa serviette sur la table et faisait mine de se lever. « Quelle mouche vous pique ?» demanda Freinet. « Vous n'avez pas encore entamé la salade russe et le garçon va apporter les petits pots de fraises. »« Cela m'est égal, on m'attend. »« Nous avons donc un amoureux ?»« Si j'avais un amoureux, il m'aurait payé à souper et c'est vous qui allez régler mon addition. »« Espérez-vous me faire croire que vous allez donner une consultation à 4 heures du matin ?»« Croyez ce que vous voudrez, je m'en vais. »« Où ?»« Au chemin de fer de l'Est, si vous tenez à le savoir. » « C'est bien ce que je disais. Vous allez recevoir votre amant qui arrive par le train à poste. »« Non, encore une fois, je n'ai pas d'amant, mais il faut que je parte. J'emporte votre carte de visite, mais si vous voulez que je vous écrive, laissez-moi filer. »« Permettez-moi au moins de vous accompagner en voiture jusqu'à la gare. »« Jamais de la vie. Il y a des fiacres à la porte du restaurant et je n'ai pas peur de voyager seule. « Achevez tranquillement votre souper, mon cher, et comptez que vous aurez bientôt de mes nouvelles, si vous êtes gentil. » Olga était déjà debout, et Alfred eut beau faire, il fallut en passer par ses volontés. Elle le gratifia d'une poignée de main énergique, et elle s'en alla d'un pas délibéré, sans s'inquiéter des autres soupeuses, qui ricanaient méchamment. Elle sut leur faire baisser les yeux, rien qu'en les regardant, et elle sortit fièrement comme une reine de tragédie. Freinet n'en revenait pas et ne savait plus que penser de cette créature. Il appela le maître d'hôtel pour se renseigner. « Les deux notes sont pour moi, » lui dit-il. « Connaissez-vous cette dame ?»« Non, monsieur, Je ne l'ai jamais vue ici et je suis à peu près sûre que c'est la première fois qu'elle y vient. Est-ce qu'il y avait longtemps qu'elle y était quand je suis arrivée ? 1 heure à peu près. Le patron ne voulait pas la recevoir à cause de sa mise, mais je lui ai fait observer que c'était sans doute une étrangère. Elle parle français comme si elle était née à Pantin. Servez-moi le café et de l'eau de vie de Martel. Freinet n'avait plus ni faim ni soif, mais il n'était pas encore disposé à lever la séance. Et pour remplacer la sorcière envolée, il n'imaginait rien de mieux qu'une vieille bouteille de fine champagne. Cette ébauche d'aventure ne l'avait pas troublée, mais elle l'intriguait, et elle n'était pas banale. On ne rencontre pas tous les jours des somnambules au café américain. D'où sortait celle-là, et pourquoi s'enfuyait-elle avant 4 heures, comme Cendrillon au premier coup de minuit ? Alfred cherchait la solution de ce problème, et afin de la trouver plus facilement, il vida coup sur coup quelques verres d'eau-de-vie qui n'amenèrent pas le résultat désiré. Tout au contraire, ses idées s'embrouillèrent de plus en plus, et il finit par tomber dans une sorte d'engourdissement cérébral dont plusieurs demoiselles inoccupées essayèrent vainement de le tirer. Il n'écouta même pas les contes qu'elles lui débitèrent sur la femme brune, laquelle, à les entendre, vendait des chansons dans les rues, et il les renvoya assez brutalement. Au 7e verre, il s'endormit et, quand il se réveilla, la salle était presque vide. Il se décida alors à aller se coucher. Il paya les 2 soupers, rentra chez lui en voiture et reprit dans son lit le somme commencé sur la banquette du restaurant. Il n'ouvrit les yeux qu'à midi passé et il eut quelque peine à se rappeler les petits incidents de la nuit. Le plus désagréable était assurément la perte de 260 louis, mais il avait beaucoup gagné depuis quelque temps et il se consola vite d'un écart qu'il comptait bien réparer à la prochaine séance. Le souvenir d'Olga s'était un peu effacé de son esprit, mais l'image de la belle rousse du café-concert s'y était incrustée, et la première idée qui lui vint, ce fut d'aller lui faire la visite qu'il lui avait annoncée la veille. Il déjeuna, se mit sur le pied de guerre, c'est-à-dire qu'il s'habilla avec un soin tout particulier, et, entre 2 heures et 3 heures, il se présenta au bureau du Grand Hôtel pour demander la comtesse de Lugos. L'employé au renseignement ne trouva pas tout d'abord le nom sur ses registres, mais après avoir cherché, il répondit que cette dame était arrivée le matin, qu'elle habitait au 3e et qu'elle était chez elle. Freinet prit le numéro de l'appartement et se mit en devoir d'y monter. « C'est bizarre !» se disait-il en traversant la cour. « Elle m'a donné son adresse hier et elle n'est ici que depuis ce matin. Je commence à croire qu'en débarquant à Paris, elle est descendue tout bonnement chez cet excellent monsieur Tergovitz. Ça prouve que ma comtesse n'est point une vertu farouche et j'aurais tort de m'en affliger. » Il n'était pas au bout de ses étonnements. Sur le palier du premier étage, il croisa un monsieur qui descendait et qui, en l'apercevant, détourna la tête et fit semblant de se moucher, de sorte que Freinet ne put pas voir son visage. Mais sa tournure lui rappela celle du Hongrois que Madame de Lugos avait rejoint la veille aux ambassadeurs. « Bon, pensa-t-il, j'arrive à propos. 1 quart d'heure plus tôt, j'aurais trouvé la place prise. » Maintenant, elle est libre et je vais m'amuser à blaguer la comtesse sur les assiduités de son compatriote, pourvu qu'elle veuille bien me recevoir. Oui, à l'heure qu'il est, elle doit avoir fini sa toilette. Et d'ailleurs, j'ai la fatuité de croire qu'elle s'attend à ma visite. Il continua de grimper et il arriva assez essoufflé au 3e, où il perdit un certain temps à chercher par les longs corridors le numéro qu'on venait de lui indiquer. Il le trouva enfin. Et il vit que la clé était sur la porte. Il n'avait qu'à la tourner pour entrer. Mais il résista à la tentation de surprendre la comtesse et il frappa discrètement. Bientôt, il entendit un pas léger. On entrebâilla la porte et une femme se montra. 2 exclamations de surprise partirent en même temps. La femme l'avait reconnue et il la reconnut aussi. C'était la somnambule du café américain. C'était Olga. Elle avait changé de toilette. Elle était habillée maintenant comme une soubrette de comédie et cette nouvelle tenue ne lui allait pas mal. Au lieu de faire entrer immédiatement Freinet, la fine mouche poussa derrière elle une porte intérieure, ouvrit tout à fait celle qui donnait sur le corridor